si le pays d'Oz et ses habitants sont depuis longtemps ancrés dans la culture américaine, ils ne connaissent leur véritable essor sur le vieux continent que depuis quelques années à travers un certain nombre de réécritures et d'adaptations qui dévoilent une nouvelle face du monde imaginaire et de ses personnages emblématiques. Cette conférence aura pour objectif d'analyser l'origine et le devenir du héros éponyme de l'œuvre de Bao, qui est en voie de devenir un mythe littéraire moderne. Pour commencer, il faut que nous nous posions tout d'abord la question suivante. Qui ou qu'est-ce que Oz ? Premièrement, Oz est un pays imaginaire se répartissant en quatre contrées, régis par la force centraliste de la fameuse capitale, la cité d'Emeraude, où l'on doit porter des lunettes vertes pour qu'elles apparaissent dans toute sa splendeur. C'est donc également au centre que va se situer le siège officiel du souverain de ce pays, nommé lui aussi, comme par hasard, Oz. Le souverain donne-t-il son nom à son pays, ou le pays dicte-t-il son nom au souverain ? Le mystère libre a assez de matière à spéculation, car si nous parlons d'Oz, évoquons-nous le magicien ou bien le pays imaginaire ? Les deux sont étroitement liés et confèrent leur identité en fait l'un à l'autre. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'identité du magicien d'Oz. Avant de passer à l'analyse du personnage devenu depuis mythe littéraire, il faut en effet d'abord se poser la question qui il est et d'où il vient, pour par la suite pouvoir considérer ce qu'il est devenu de nos jours. Dès le départ, son créateur, Lyman Feinbaum, a en effet conçu ce personnage littéraire de façon ambivalente, permettant ainsi une grande marge d'interprétation et d'adaptation. Le parcours du magicien nous permettra de retracer l'évolution de ce personnage emblématique et nous offrira un regard au-delà des murs de la cité d'Emeraude afin de nous montrer un univers de la tromperie où tout n'est qu'illusion. La littérature serait-elle, une fois de plus, la plateforme d'un reflet de notre réalité ? Dans le cycle d'Oz, que nous définissons comme étant l'ensemble des 14 romans écrits par Lyman Feinbaum entre 1900 et 1920, le magicien intervient en tant que personnage anaphore. Le magicien apparaît en effet dans 10 de ses romans. Tout comme Merlin dans le cycle arthurien, ou bien Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, le magicien, après avoir été détrôné dans le premier volume de la saga, réapparaît dans les différents romans, assurant ainsi l'unité et la cohésion du récit et du pays imaginaire conçu par Bao. Soit il prépare la suite, soit il rappelle les éléments essentiels à la compréhension de l'histoire. En outre, le magicien est une présence absente tout au long du roman. Il n'apparaît physiquement que dans 4 des 24 chapitres du premier roman qui introduit le personnage, à savoir The Wonderful Wizard of Oz, paru en 1900. La plupart de ses apparitions, sont donc purement verbales. L'importance hiérarchique du magicien peut donc être remise en question. Au niveau de l'héroïté, Dorothy et ses compagnons de route l'emportent de loin sur le fameux souverain. Ce sont eux qui partent à l'aventure afin de pouvoir exaucer leurs vœux les plus chers qui, à la fin de l'histoire, en sortent grandis. Le magicien, au contraire, sera à la fin démasqué. Et ne témoignant d'aucune évolution, il quittera le pays d'Oz seul et non pas en emmenant Dorothy comme il l'avait promis. Il restera ainsi fidèle à son image. Dans la littérature classique, nous retrouvons cette construction notamment dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Les personnages éponymes, à savoir Athos, Porthos et Aramis, restent dans l'ombre alors que l'œuvre se focalise sur le parcours, la quête identitaire et l'évolution de D'Artagnan, véritable héros du roman et de ses continuations. Les Trois Mousquetaires sont des adjuvants qui contribuent à la dynamique de l'histoire et qui en sont en quelque sorte la force motrice en tant que guide du jeune héros Gaston. Dans le conte de Bao, c'est pareil. Sans magicien, pas d'aventure pour Dorothy. Avant d'entamer l'analyse du personnage, il faut tout d'abord se poser la question qui est le magicien et revenir un peu sur sa biographie, qui est assez mouvementée. Oscar Zoroaster Frederick Isaac Norman Enkel Emmanuel Ambrose Dix, pour vous donner son nom complet, mieux connu sous l'abréviation que vous connaissez, Oz, est né à Omaha, surnommée la porte d'entrée de l'Ouest, la plus grande ville de l'État du Nebraska aux États-Unis. Son père est un homme politique et Oscar a certes hérité ses capacités rhétoriques, éloquentes et persuasives, ainsi que ses talents de la mise en scène et de la représentation. En tant que jeune homme, il s'est enfui de chez lui et a rejoint un cirque. Il a appris le métier de ventriloque et peut imiter n'importe quel animal, ou encore projeter sa voix dans n'importe quel objet pour faire croire que c'était le dit objet qui parlait. Rapidement lassé par ce travail, il devient homme ballon et fait de la réclame pour un cirque afin d'attirer la foule des curieux et de les amener à assister au spectacle payant. C'est également à cette époque qu'il a pris l'habitude de peindre toujours deux initiales, OZ, sur son ballon et tout son équipement pour que tout le monde sache que ces objets lui appartiennent. Au cirque, il avait déjà pris l'habitude de dire qu'il était un magicien. Un jour, lorsqu'il monte dans son ballon, les cordes sont torties et le ballon s'élève au-dessus des nuages, emporté par le vent. Après une errance dans le ciel qui a duré un jour et une nuit, Oz se retrouve dans une contrée étrangement belle, au milieu d'un peuple étrange qui, le voyant débarquer des nuages, le prit pour un grand magicien. Et bien évidemment, Oz ne va pas les contredire, mais cette créature d'une espèce supérieure, je cite Bam, affirme bien être un magicien et le prouve en exécutant quelques tours faciles qui les ont émerveillés. Les initiales sur la montgolfière semblent prouver indubitablement l'identité de ce nouvel arrivant. Le magicien fait construire la cité d'Émeraude à l'endroit exact où les quatre contrées, gouvernées par les quatre sorcières jusque-là au pouvoir, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, se rencontrent. Une fois la construction de la capitale achevée, Oz se réfugie dans son palais et se proclame souverain du pays d'Oz qui comprenait maintenant les quatre contrées. Il se retire de peur d'être persécuté par les sorcières qui, contrairement à lui-même, possèdent de véritables pouvoirs magiques. Il ne se montre plus en public et crée son propre mythe en apparaissant lors des quelques audiences accordées sous différentes formes plus ou moins effrayantes. Il excelle dans la mise en scène et grâce à des machineries d'illusionnistes, il arrive à maintenir son identité en tant que magicien puissant, autoritaire, sévère et effrayant, alors qu'en réalité, il n'est plus qu'un vieillard, se cachant derrière les coulisses de son propre spectacle. Oz est un simple charlatan, il est capable d'exécuter quantité de tours merveilleux, mais sa magie est totalement impuissante s'il n'a pas à sa disposition les outils et l'attirail nécessaires, précise Dorothy à plusieurs reprises. Le magicien est arrivé à Oz en tant que jeune homme et le quitte en tant que vieillard après avoir été démasqué par Dorothy et ses compagnons à la fin du premier roman. Il retourne à Omaha, mais doit constater que tous ceux qu'il avait connus avant son premier départ pour Oz sont dès à présent morts ou partis vivre ailleurs. N'ayant rien d'autre à faire, il a de nouveau rejoint un cirque pour lequel il a fait des ascensions en montgolfière jusqu'au jour où un tremblement de terre le fait de nouveau rentrer à Oz. Et cette fois-ci, Osma, la souveraine légitime, lui offre l'hospitalité à vie, parce qu'à son avis, le magicien est maintenant trop âgé pour voyager à l'étranger et travailler dans un cirque. Elle le nomme finalement magicien officiel de son royaume, traité avec respect et considération. Même si Dorothy insiste toujours sur le fait qu'il n'est rien d'autre qu'un charlatan, les habitants d'Oz semblent lui être reconnaissants pour son règne, qui est marqué par une lente période de paix, la construction d'une merveilleuse capitale et l'attribution d'un cerveau et d'un cœur dans le cas de l'épouvantail et du bûcheron. Sans peut-être les symboles, les idéologies et les résultats à long terme qui l'emportent sur les dégâts immédiats. En ce sens, le magicien peut même être perçu en tant qu'allégorie politique. En outre, il faut également considérer le passage d'un univers à l'autre qui permet au magicien de faire l'aller-retour entre le monde réel et le monde imaginaire. Le dispositif du cyclone, défini par Christian Chedbourg dans les fictions de jeunesse, permet au héros de quitter un quotidien réceptif pour se retrouver dans un endroit magnifique. Néanmoins, le passage d'un monde à un autre par le biais de la catastrophe comporte également l'idée du danger et de la mort. À côté des aventures de Dorothy ou du magicien, The Last Battle, dernier volume des Clans les plus ordinaires de C.S. Lewis, représente bien cet aspect. En effet, c'est à l'occasion d'une catastrophe ferroviaire que les anciens rois et reines vont revenir à Narnia. Cet accident leur a en réalité coûté la vie et le pays imaginaire devient donc une réinterprétation du paradis et le dispositif du cyclone met la fiction au service d'un message en l'au-delà qui redonne sens à la vie. L'ultime retour du magicien correspond bien à cette idée. Il revient à Oz par le biais d'un tremblement de terre, une catastrophe naturelle particulièrement redoutée, dangereuse et souvent meurtrière. Comme Osma précise que le magicien est maintenant trop âgé pour voyager et travailler, cet accueil définitif au pays d'Oz peut bien être interprété en tant qu'accueil dans l'au-delà. Le retour dans le monde réel ne sera plus possible et en même temps plus demandé. Le magicien n'a pas de regrets et intègre sa place à Oz. Le pays imaginaire devient dans cette optique le pays d'après la mort, dans lequel l'esprit humain s'évade lorsque le corps est guetté par la mort. Le paradis perdu est enfin retrouvé. Par la suite, Oz devient l'apprenti de Glinda, la bonne sorcière du Nord, qui lui apprend enfin la magie Et c'est à ce moment-là qu'il cesse d'être un charlatan et que Bob rachète définitivement son personnage. Comme il a cessé d'être un personnage du monde réel et qu'il a coupé tous les liens qui y est rattaché, il peut devenir un personnage de l'imaginaire et apprendre lui aussi la magie. Le rachat de ce personnage est cependant également motivé par les échos des lecteurs. En effet, nombreux d'entre eux se plaignaient que dans les premières continuations écrites par Baum, le magicien est enlevé au Sma, la souveraine légitime, à son arrivée, et les confie à la méchante sorcière Mombi pour lui s'emparer du trône et donc être un usurpateur. Dans le quatrième volume, Dorothy et le magicien au pays d'Oz, Baum propose une nouvelle version des faits qui dit qu'Osma a directement été enlevé par Mombi sans intervention du magicien, personnage auquel les lecteurs s'y sont rattachés et qui ne veulent pas voir souillé par les calibres. À partir de ce moment, Oz est donc véritablement un personnage bienveillant et adjuvant. Dans TikTok of Oz, le 8e roman de la saga, le magicien devient même un inventeur futuriste et innovateur qui invente les premiers téléphones mobiles. En nous basant sur les recherches et travaux d'Adriana Sullien-Grimas et de Philippe Hamon, il est possible d'analyser le personnage littéraire dans le domaine de la sémiotique, à savoir en tant que signe. Alors que l'approche de Grimas s'intéresse davantage au parcours du personnage, à ce qu'il fait, la démarche plus poéticienne de Hamon se consacre plutôt au portrait, à ce qui est le personnage. Au lieu de s'opposer, Vincent Joux démontre dans sa poétique du roman que ces deux approches s'avèrent complémentaires et indiquent en même temps les nouvelles perspectives ouvertes par les théories de la lecture. Afin de bien saisir le magicien d'Oz qui se manifeste dès le départ comme un personnage ambigu, nous allons exploiter deux champs d'analyse, le faire, ou les fonctions, et l'être, nom, dénomination et portrait. Comme le précise bien Gérard Genette, la sympathie ou l'antipathie pour un personnage dépendent essentiellement des caractéristiques psychologiques ou morales ou physiques que lui prête l'auteur, des conduites et des discours qu'il lui attribue, et fort peu des techniques du récit où il figure. De même, il paraît évident que notre visionnage d'un personnage dépend d'abord, avant son portrait physique et moral, de la façon dont il nous est présenté par le texte, précise Jouve dans Les faits personnages dans le roman. La réception du personnage par le lecteur est donc prédéterminée et en quelque sorte même programmée par le texte. Et dans le cas du magicien, nous pouvons nous poser la question pourquoi, malgré ses nombreux travers comme la supercherie et la lâcheté, il reste cependant un personnage sympathique aux yeux des lecteurs. La captatio benevolentiae est dans ce cas précis peut-être justement facilitée par le fait que le magicien, issu du monde réel, possède un grand nombre de traits profondément humains et qu'il paraît plus facile de s'identifier à un personnage ayant des failles et des faiblesses qu'à un être plus que parfait. Malgré les objectifs, des traits de caractère et des poursuites parfois contestables, le magicien reste sympathique aux yeux des lecteurs car il est justement profondément humain dans son aspiration à être ou à devenir quelqu'un qu'il n'est pas encore. Vincent Jouve revient sur la difficulté de définir la réalité ou l'irréalité du personnage en ces termes. Je cite « Le personnage romanesque n'est ni complètement réel, c'est une création, ni complètement irréel, un personnage alternatif, complet et inimaginable. » Il s'affirme donc comme une réalité duelle. Le personnage du roman est saisi à travers la mise en relation du monde réel, univers primaire, et d'un monde de faire semblant, univers secondaire. Les personnages romanesques se situent donc à mi-chemin entre les figures imaginaires des jeux d'enfants et les êtres religieux présents au monde, mais renvoyant à un plan supérieur. Le personnage, réalité allégorique, ne fait sens qu'à travers la mise en relation du monde de référence et du monde textuel. Tout comme la fiction peut être perçue en tant qu'allégorie de la réalité, le personnage est une allégorie de l'homme. Néanmoins, il est plus facile de s'interroger sur sa propre nature humaine à travers la femme. Il s'agit du phénomène de la jouissance de soi-même dans la jouissance de l'autre. Observer l'autre, le personnage, et délimiter certains parallèles avec son propre vécu et ressenti est beaucoup plus simple et la sympathie se construit sur cette base, même si les aspirations de l'être ou de papier sont parfois antinomiques à celles du lecteur réel. En effet, le personnage, bien que donné par le texte, est toujours perçu par référence à un au-delà du texte. L'œuvre, quoique verbale, débouche toujours sur autre chose que du verbal, faute de quoi le langage ne serait qu'une suite de sons vides, rajoute-t-il. Ainsi, refuser toute relation entre personnage et personne serait absurde. Les personnages représentent des personnes selon des modalités propres à la fiction, comme le précise Ducrot et Todorov dans le dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. La vraisemblance et la sympathie l'emportent donc de loin sur la question du bien et du mal. Afin de mieux comprendre et de saisir le personnage du fameux magicien d'Oz, nous allons donc revenir à la façon de laquelle il est dépeint et représenté dans l'œuvre de Bain. À l'image d'un être humain, un être de papier ne peut pas exister sans nom propre. L'absence de nom a en effet un grand impact sur le personnage et tend à le déstabiliser comme s'il n'existait pas vraiment en le démunissant d'une identité. Alors que de nombreux romans contemporains jouent précisément sur cet effacement, la littérature de l'imaginaire a plutôt tendance à placer des personnages réels dans un monde irréel afin de renforcer l'illusion du vrai et d'inciter davantage le lecteur à jouer à croire. La figure de style de l'hypotypose qui consiste à donner une description très réaliste devient ainsi une composante incontournable dans la conception des personnages. Néanmoins, dans le premier roman qui introduit le magicien d'Oz, le lecteur cherchera son nom en vain. À part l'amalgame introductif, soit disons le slogan de préférence du souverain, à savoir « Je suis Oz, le grand et le redoutable », il n'y aura aucune précision sur l'identité de ce dernier. Les habitants d'Oz évoquent ainsi « Grande Oz », Oz le grand magicien, Oz le grand, Oz le terrible ou encore Oz le redoutable. Le respect et la peur à son égard caractérisent donc le souverain dans un premier temps. Par la suite, il est intéressant de noter qu'après avoir été démasqué en tant que charlatan par Dorothy et ses compagnons, Oz perd ses épithètes homériques. Il n'est plus qu'Oz le magicien ou bien le petit homme. Le grand et redoutable charlatan quitte la scène, la peur s'évapore. Le nom devient ainsi symbolique pour le caractère et la perception du personnage. Tant que son identité reste mystérieuse et insaisissable, le magicien, ou plutôt la notion d'inconnu, crée la peur. Puis, au moment où l'identité du magicien est dévoilée, il apparaît pour ce qu'il est vraiment, un petit homme qui ne peut plus se cacher derrière un nom de scène et qui doit finalement faire face aux conséquences de ses actes. Il faut attendre le quatrième roman de la saga d'Oz pour en apprendre davantage sur le nom et notamment les origines du magicien. Dans Dorothy et le magicien au pays d'Oz, l'ancien souverain révèle enfin son nom complet en expliquant la genèse de son pseudonyme Oz. Lors d'une audience avec la princesse Ozma, la nouvelle souveraine, le magicien prononce les mots suivants. Oscar Zoroaster, Fadrik Isaac Norman Enkel Emmanuel Ambrose Dix. Dix est mon nom de famille, le dernier de la liste, mon père n'ayant trouvé aucun autre nom à placer devant. À tout prendre, un nom aussi lent ne pouvait qu'accabler terriblement un pauvre enfant innocent. Ainsi, retenir mon nom fut l'une des leçons les plus difficiles que j'ai jamais eu à apprendre. En grandissant, j'ai choisi de m'appeler Oz car les initiales des autres noms formaient Pinhead, ce qui était une insulte à mon intelligence. Le passage a beau être ironique, il ne cache pas la difficulté du nom à porter. Eamon Frankbaum lui aussi préférait écourter son nom et signer ses œuvres en tant que L. Frankbaum, ou bien en utilisant d'autres noms de plumes dont la liste est très très longue. L'utilisation d'un pseudonyme est donc une espèce de fuite de mise à distance. En outre, enfant, Oscar ne peinait non seulement à retenir son propre nom, mais devenait également la cible de moquerie inclue dans ses initiales. Pinhead signifie en effet « andouille » ou « crétin » en anglais. Le fait de changer son nom jusqu'à effacer complètement les traces de sa première appellation traduit bien le désir de se créer une nouvelle identité. En quelque sorte, il refuse d'être le crétin pour devenir le magicien qui arrive à duper les autres, d'une part par son intelligence, d'autre part par son talent de mise en scène. Le nouveau nom d'Oscar va le lier indubitablement au pays Oz, lieu qui l'accueille et qui lui permet de construire sa nouvelle identité, celle qu'il a lui-même choisie et qui lui permet de se débarrasser du fardeau du monde réel duquel il est. Le pouvoir dans ce pays imaginaire s'appelle invariablement Oz, ce qui veut dire bon et grand dans leur langue, ou bien s'il s'agissait d'une femme, son nom était toujours Osma. Ainsi, les initiales d'Oscar ont amené le peuple d'Oz à croire qu'il s'agissait du monarque légitime, arrivé enfin pour les libérer du joug des méchantes sorcières qui s'étaient partagées le royaume entre elles. Le pseudonyme reçoit ainsi une valeur prophétique et incarne l'espoir de la liberté et d'un avenir meilleur. Le portrait physique du magicien confère davantage à la construction de ce personnage futile. Celui qui s'invente une nouvelle identité s'invente également un corps. Lorsque Dorothy interroge pour la première fois un habitant d'Oz au sujet du magicien, elle aura la réponse suivante. Vous comprenez, ose être un grand magicien et peut revêtir la forme qui lui plaît. Ainsi, pour certains, il ressemble à un oiseau, pour d'autres à un éléphant, pour d'autres encore à un chat. Pour certains, il a les traits d'une delphine ou d'un lutin, ou revêt toute autre forme selon son gré. Mais qui est le vrai ose? Qu'en montre-t-il son vrai visage? On ne saurait le dire. Le polymorphisme du magicien supprime toute référence au corps réel et rend ainsi la caractérisation et l'évaluation du personnage impossible. Les sujets n'arrivent pas à saisir et à se représenter leur souverain, et cette futilité les déstabilise et nourrit leur crainte. Personne n'a le droit de le voir en dehors des quelques audiences accordées. Lorsque Dorothy et ses compagnons arrivent à la cité d'Émeraude et demandent une entrevue avec le magicien, ils doivent d'abord patienter pendant quelques jours avant d'être invités à se présenter individuellement, car le souverain ne donne qu'une seule audience par jour. Les quatre apparitions suivantes montrent bien le caractère complexe des transformations. À Dorothy, le magicien apparaît comme une énorme tête, sans corps ni bras ni jambes. Il n'y avait pas un cheveu sur cette tête, qui avait cependant des yeux, un nez et une bouche, et la tête du plus grand des géants lui semblait petite à côté. L'épouvantail, lui, aperçoit, assis sur le trône d'Émeraude, une dame des plus ravissantes. Elle était vêtue d'une gaze de soie verte et portait sur sa chevelure verte, toute bouclée, une couronne de joyaux. De ses épaules partaient des ailes aux reflets splendides, si légères qu'elles frissonnaient au moindre souffle. Pour le bûcheron, Ose avait pris la forme d'une bête terrifiante. Elle avait presque la taille d'un éléphant. C'était à se demander si le trône vert pourrait supporter son poids. Elle avait la tête d'un rhinocéros, mais était dotée de 5 yeux. 5 grands bras sortaient de son corps, qui était également pourvu de 5 jambes longues et maigres. Tout son corps était couvert d'un poil épais et laineux, et on ne pouvait imaginer de monstre plus effrayant. Et enfin, le lion se retrouve face à une boule de feu, d'une lumière si cruelle qu'il pouvait à peine la supporter. Ces transformations, pour la plupart effrayantes, sont réalisées à l'aide d'une machinerie complexe et servent à faire impression sur les sujets. Le magicien, qui en réalité est un petit vieillard chaud et vidé, excelle dans l'art de la mise en scène et de l'illusion afin d'établir et de maintenir son autorité. Dans Oz the Great and Powerful, sorti en 2013 de Sam Raimi, on joue spécifiquement sur cette notion. Oz dupe en fait les méchantes sorcières. Le feu d'artifice proclamé en tant que puits d'étoiles fera fuir les sorcières et triompher le magicien. Je vous laisse découvrir la scène, on n'a malheureusement pas de haut-parleur, mais peut-être que vous connaissez. Alors, en fait, la méchante sorcière qui dit en fait, est le magicien, elle s'enfuit. Et en fait, tout est vraiment construit sur ce spectacle, et si on sait comment ça fonctionne, ça ne va pas nous effrayer. Mais en même temps, comme les sorcières, elles, ne connaissent pas toute la machination qu'il y a derrière, tous les mécanismes de la mise en scène, du spectacle, bien sûr, elles en auront peur, et elles vont s'enfuir, et le magicien deviendra donc le grand souverain. Dans le premier roman de Vam, même l'obligation du port des lunettes vertes dès qu'on entre dans la cité d'Émeraude confère à cette idée. On voit tout en vert alors qu'en réalité, rien ne l'est. La perception est déviée, manipulée, et les citoyens ne sont censés voir que ce que le souverain leur impose. Le polymorphisme n'est qu'un outil de tromperie pour cacher un corps humain vieilli et faillible, car dès qu'il est démasqué, son autorité faiblit aussi. Dans Dorothy et le magicien au pays d'Oz, nous trouvons la description suivante de l'ancien souverain. Le petit homme portait un habit de velours noir dont le plastron était orné d'émeraudes étincelantes, mais son crâne chauve et son visage hidé lui donnaient l'air plus comique qu'impressionnant. En pensant à la devise « l'habit ne fait pas le moine », les vêtements élégants ornés de pierres précieuses semblent justement faire référence à l'air de gloire du magicien. Néanmoins, le costume prometteur est déconstruit par l'évocation du crâne chauve et du visage ridé, qui tourne le personnage en quelque sorte en dérision, programme de son nom complet et destin auquel il ne pourra finalement pas échapper. Il se dit grand alors qu'il est petit, il se dit magicien alors qu'il n'est qu'un charlatan. Il se dit impressionnant, redoutable et terrible alors qu'il n'est que comique, chauve et ridé, tout simplement ordinaire. Dès que le magicien ne peut plus impressionner par le biais de ses machineries et illusions, il devient un personnage quasi pathétique, démuni de son pouvoir. Nous venons de le voir, les habitants ont peur d'Oz car ils sont convaincus qu'il a plus de pouvoir que tous réunis. Ils sont persuadés qu'Oz peut tout Et c'est ce mythe bien construit et alimenté, notamment par le mystère et le polymorphisme, qui compose l'image du magicien. Il est décrit comme la seule instance ayant assez de pouvoir pour exaucer les vœux de Dorothy et de ses compagnons, à savoir le retour au Kansas pour Dorothy, un cerveau pour l'épouvantail, un cœur pour le bûcheron et du courage pour le lion. Plein d'optimisme et de bonne foi, les quatre aventuriers viennent donc demander ce qu'ils désirent aux grandes Oz et c'est à ce moment qu'ils doivent apprendre une leçon importante. Je cite, « Vous n'avez pas le droit d'attendre de moi que je vous envoie au Kansas si vous ne faites rien pour moi en retour. Dans ce pays, rien n'est gratuit pour personne. Si vous désirez que j'use de mon pouvoir magique pour vous renvoyer chez vous, vous devez commencer par faire quelque chose pour moi. Aidez-moi et je vous aiderai. Que dois-je faire ? Demanda la fillette. Tuer la méchante sorcière de l'Ouest, répondit Oz. La philosophie du magicien est très claire. Rien n'est gratuit. Il réitère le même marché aux quatre demandeurs et insiste sur le fait qu'il n'accorde jamais de faveur sans quelque service en retour. Et que chaque récompense doit être méritée. Le conte rapproche en fait beaucoup de la reine. Par contre, ce qui peut sembler choquant dans les conditions posées par le magicien, c'est qu'il demande un meurtre. Une fois la méchante sorcière de l'Ouest, sa sœur rivale tuée, il va octroyer les récompenses demandées aux compagnons. Même si la sorcière est dépeinte comme étant une tyranne redoutable, terrorisant le pays d'Oz et ses habitants, et avant tout le magicien lui-même, cette demande ne peut pas être défendue sur le plan moral et éthique. Doit-on tout faire pour réaliser ses propres désirs ? Dorothy a-t-elle raison de tuer la sorcière pour parvenir à la demande du magicien ? Les propos sont fortement discutables. En outre, à part sa capacité de manipulation, le caractère du magicien fait preuve d'une forte dose d'opportunisme. Non seulement conclut-il des marchés pour parvenir à ses fins, il fait en même temps des promesses qu'il ne peut pas tenir, et il en est bel et bien conscient. Alors qu'il fait croire à tout le monde qu'il est un grand magicien, il n'est qu'un homme ordinaire, un charlatan qui excelle dans l'art du mensonge, de la tromperie et de la supercherie, et il est même enchanté de l'étiquette, comme écrit Baum dans son roman. Je vous fais découvrir la scène de révélation, donc vous voyez en fait très bien comment le grand magicien, effrayant au départ, se verra démasqué et redeviendra en fait Oscar, un homme tout à fait ordinaire. Voilà, Dorothy a bien s'indigner, le magicien est bien un charlatan, et il vient donc de se faire découvrir par la créature la plus petite et la plus inoffensive de tout le film, donc le petit chien Toto. Et il a bien dit, ne prêtez pas attention à l'homme qui se trouve derrière le rideau, ne le regardez pas, je suis Oz, le grand magicien, mais en même temps, il se voit bien démasquer sa véritable identité et dévoiler, et... les compagnons se rendent donc bien compte que ce charlatan ne pourra jamais exaucer les vœux et qu'ils sont en fait partis à l'aventure pour rien. Il y a également une affirmation assez intéressante du magicien lui-même dans le roman. Il dit que comment faire pour ne pas me conduire en charlatan quand tous ces gens me demandent d'accomplir des choses que tout le monde sait irréalisables. Donc en même temps, il remet la responsabilité donc, de cette croyance, de cette foi dans la magie, en tant que chimérique, et donc si on croit à cela, bah tant pis, c'est à vous la faute. L'attitude du magicien peut même être qualifiée de lâche. Il est conscient qu'il n'a aucune chance contre les méchantes sorcières qui, contrairement à lui, possèdent de véritables pouvoirs magiques. De ce fait, il confère donc la tâche de sa liquidation à autrui, tandis que lui peut rester dans son palier en toute sécurité. Et comme si ce n'était pas encore assez, il n'assume par la suite donc aucune responsabilité de ce qui s'est passé. De toute façon, ce sont les autres qui lui ont attribué le rôle de magicien. C'est de leur faute s'ils lui demandent d'exaucer des vœux irréalisables et s'ils croient en des promesses chinoises. Ce trait de caractère sera le point de départ des réécritures contemporaines du conte de Baum. Dans son cycle d'Oz, The Wicked Tears, l'auteur américain Gregory Maguire va faire du magicien un tyran redoutable, manipulant son peuple à l'aide d'une propagande bien orchestrée et terrorisant les citoyens par le biais d'une milice féroce et dangereuse. Le règne du magicien est dominé par un régime totalitaire et répressif. De nouveau, il est une présence absente tout au long du roman, apte à hanter le pays, les rêves, les cauchemars, mais également les espoirs. Cependant, la gloire du grand magicien n'est que chimère. La capitale se présente loin de l'image glorieuse et scintillante propagée par le gouvernement et se livre en tant qu'image choquante marquée par la pauvreté et la misère. Le magicien incarne cependant plus seulement la figure du charlatan, mais également celle du tyran qui se cristallise peu à peu et qui s'avère beaucoup plus dangereuse et inquiétante que la première. L'oppression des animaux est le sujet polémique principal de l'œuvre de McGuire. Il y a en effet une différence. Les animaux, avec minuscules, sont tout à fait ordinaires, comme nos animaux de compagnie, au service des hommes. Les animaux avec majuscules, par contre, sont anthropomorphes, dotés de la capacité de parler, se caractérisant par des traits humains et enseignant même à l'université. L'origine du magicien décide toutefois que les animaux, avec majuscules, n'ont plus le droit à la parole et il veut les faire taire et disparaître au fur et à mesure. Ses persécutions et la description des gardes et de l'armée du magicien, militaires vêtus de brun, et son scrupule ne sont pas sans rappeler les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, notamment celle de l'Holocauste. La référence est même tout à fait évidente. Des animaux sont chassés, voire même persécutés et exterminés par les forces d'ose. Le Magnifique. Son ère se terminera par un drame personnel. Il découvre que celle qu'il a cherché à anéantir, l'ennemie la plus assidue de son règne, la méchante sorcière de l'Ouest, qui s'oppose donc à cette persécution, n'est personne d'autre que sa propre fille. Le meurtre devient infanticide, provoqué par l'ignorance, l'aveuglement et l'entêtement. Aucune rédemption ne sera possible. McGuire pose de nouveau la question du bien et du mal, dont les distinctions s'estompent de plus en plus. De bonnes intentions et motivations permettent-elles de justifier tous les choix? Le mal est-il inné ou se développe-t-il au fil du temps? Les questionnements se posent dans un monde profondément désenchanté et se rapprochant dangereusement du monde réel. La réécriture de l'auteur français Claro, Cosmos, développe encore davantage la dimension cauchemardesque et profondément dystopique en faisant du magicien le souverain d'un univers concentrationnel. Je cite, « On l'appelle Oz le terrible, le grand sorcier, la pieuvre omnisciente, la bête qui décide, la boule de feu. Est-il vert? Sa parole a-t-elle la pureté d'émeraude, ou bien crépite-t-elle à la façon d'un bûcher, ce qui expliquerait ces lampanaches noirs qui s'échappent en permanence des deux grandes cheminées de la cité. » Le roman Cosmos joue dès le départ sur le renversement des idées. L'idéal du magicien et tout ce qui pourrait encore alimenter la foi en sa bonté et en sa grandeur est abandonné et déconstruit en cours de route. Si le souverain de ce pays ne vaut rien, alors cet endroit ne pourra représenter qu'une dystopie. Le monde dans lequel nous emmène Claro est profondément noir et cauchemardesque. Les horreurs s'en suivent, les héros souffrent et abandonnent, le rapprochement est évident et choquant et la vision apocalyptique que nous livre Claro est d'autant plus affreuse qu'il tend à brouiller les limites entre fiction et réalité en nourrissant le rapprochement à travers de nombreuses anecdotes historiques en relation avec la genèse et le devenir des héros de Varne ainsi que des grands événements historiques du XXe siècle. Revenons pour finir au monde de l'enchantement et de l'illusion. Car même notre monde réel peut parfois être livré si des moments magiques et enchantés. Eamon Frankbaum a très probablement basé sa description du magicien d'Oz sur Harry Keller, un magicien et illusionniste très populaire aux États-Unis au moment de la publication de son roman. Né en 1849 et mort en 1922, Keller a donc environ la cinquantaine au moment de la publication du magicien d'Oz. Et il est en fait à ce moment-là au sommet de sa gloire. En plus, Jim Stein, lui-même illusionniste opérant à Broadway, spécialiste de l'âge d'or des magiciens et illusionnistes américains, écrit dans son ouvrage Riding the Elephant, How Magicians Invented the Impossible and Learned to Discipline, que Harry Keller était le plus grand magicien des États-Unis au moment où le livre de Baum a été écrit, et qu'il était quasi certainement la source d'inspiration pour le personnage du magicien. Un autre spécialiste du domaine, Gail Jarrow, écrit également dans son livre dédié à Keller que les lecteurs reconnaîtront les traits de ce dernier dans le personnage inventé par Baum. Sur la quatrième de couverture, elle identifie même Keller en tant que véritable magicien. Des illusions de lévitation, de disparition et d'apparition, d'autodécapitation et l'utilisation de différentes machineries et d'automates faisaient partie de son répertoire spectaculaire et assurer sa célébrité. De plus, le magicien du conte excelle lui aussi dans l'art de la mise en scène et de l'illusion. Vivant comme un reclus dans son palais et évitant tout contact avec ses citoyens, il ne montrera sa véritable face qu'au retour de Dorothy et de ses compagnons au moment où il est dans ses masques. Auparavant, il apparaissait soit sous la forme d'une boule de feu, d'une dame ravissante, d'une tête énorme, ou encore d'une bête terrifiante, cachant ainsi sa véritable physionomie grâce à une illusion. Notamment, la tête énorme qui semble flotter dans l'air fait directement référence au numéro d'auto-décapitation de Keller et lui rend ainsi hommage. Les traits caractéristiques sont bel et bien présents, et l'amplification de la taille de cette tête fait certes référence aux réactions des premiers spectateurs de cette illusion mise en scène par Keller. Ce numéro deviendra en fait l'un de ses plus célèbres et spectaculaires. Des photos d'époque montrent en effet un homme chauve et portant les rides de son âge, contemporain, prédécesseur et ami d'un autre magicien fameux, Harry Houdini, qui deviendra son successeur à partir de 1900. Ces deux caractéristiques physiques sont reprises plusieurs fois dans le roman, comme s'il s'agissait d'insister sur ces traits afin de permettre l'identification avec le magicien star de l'époque. Lorsque Toto renverse donc, par accident un paravent dans le livre ou dans le film, il va tout simplement ouvrir le rideau, le magicien d'Oz est finalement démasqué et nous pouvons lire la description suivante. À l'endroit même que leur avait caché le paravent se tenait un petit vieillard, chauve et ridé, qui semblait tout aussi étonné que les voyageurs. La machinerie derrière laquelle se cache le magicien d'Oz et les illusions avec lesquelles il impressionne et trompe ses sujets font évidemment référence au spectacle des magiciens et illusionnistes contemporains de Bam. À ces observations, nous pouvons rajouter la comparaison avec les illustrations que William Wallace Denslow a réalisées pour la première édition du Wonderful Wizard of Oz en 1900. Le dessinateur a en effet représenté le magicien en tant que petit vieillard, chauve et ridé, conforme à la description de Bam, portant costume, cylindre et manteau, tenue que revêtait également souvent le grand chêne. Étant lui-même un homme de théâtre, Baum a certes calqué le portrait de son personnage éponyme sur le célèbre magicien réel, célébré en tant que premier magicien américain. J'ai trouvé donc, un portrait, c'est malheureusement en anglais. Ça va pour tout le monde? J'essaierai de traduire par la suite. His wonderful crooked smile was now shown to its past advantage and seemed to complement a dishonest twinkle in his blue eyes. A decade later, when L. Frank Baum wrote The Wizard of Oz, his target character was described as a bald, clean-shaven, plain-speaking, middle American conman. There's still the question that Baum modeled the wizard after America's prominent magician Harry Keller. Le magnifique sourire trempeur, le caractère malhonnête ou le scintillement de ses yeux bleus, la tête chauve, le visage bien rasé, la parole franche du trempeur américain permettent l'identification de ce personnage d'amnistification. Sentiment patriotique, afin de donner à son compte américain un magicien américain, ou simple admiration du grand metteur en scène, illusionniste, trompant et enchantant les masses, Baum rend à sa façon hommage au grand Keller en figeant à jamais son portrait sous la forme du mythe littéraire qui est devenu le magicien. Enfin, Oz s'inscrit en outre dans une longue lignée de magiciens. La référence à Keller est devenue un hommage à l'âge d'or des grands illusionnistes américains. Et chaque adaptation s'inspire et cite au moins l'un de ces hommes illustres. Déjà la fameuse adaptation de Victor Fleming datant de 1939 fait référence au métier de l'illusionniste. L'acteur Frank Morgan, que vous voyez donc à droite, revêt d'abord le rôle de professeur Marvel, un trempeur qui prétend pouvoir prédire l'avenir. Avec sa boule de cristal et son turban, il se donne des airs exotiques, faisant référence à d'autres illusionnistes opérant à l'époque. Quand il se rend compte que Dorothy a fait une fugue, il va la manipuler par la parole de façon à ce qu'elle rentre chez elle au moment où la tornade s'approche. Ses prédictions sont en effet uniquement calquées sur ses observations et le spectateur voit très bien comment il arrive à tromper la jeune fille en dévalisant son panier et en invoquant la mauvaise conscience de la fugueuse. Comme la version de MGM joue sur la communication entre le monde réel et le monde imaginaire, certains acteurs incarnent plusieurs rôles. Ce choix souligne l'idée du caractère onirique du voyage et des aventures de Dorothy. Tous les personnages qu'elle rencontre à Oz sont en effet des reflets de ceux qu'elle fréquente et connaît dans sa vie réelle. Le magicien ambulant, Professor Marvel, réapparaît donc en tant que magicien d'Oz par la suite. La deuxième interprétation du personnage peut même être perçue comme amplification de la première. Le magicien, même s'il est un trompeur et un charlatan, excelle dans l'art de l'illusion et maîtrise parfaitement ses machineries, qu'il utilise pour agir sur ses sujets et les manipuler à faire ce qu'il veut, ce qu'il avait même déjà réussi à faire en première instance. Avec sa moustache et ses cheveux blancs, Frank Morgan ne ressemble ni au magicien de Baum, ni à Harry Keller. Une autre figure d'illusionniste très célèbre au moment du tournage du film fait éruption. Il s'agit de Harry August Janssen, mieux connu sous son pseudonyme Dante. Même si la volonté d'intégrer une telle ressemblance n'est pas prouvée et reste spéculation, il est intéressant de noter que de son vivant, Dante ressentait une grosse rancune à l'égard de son contemporain, Houdini. Il ne cachait guère son ressentiment et accusait Houdini de vol, d'imitation et de supercherie. Il peut s'agir d'un hasard, mais si nous tenons en compte la rivalité entre les deux maisons de production, à savoir Warner Bros. Qui détient dès à présent les droits du film produit par MGM et Disney, qui se disputent les droits d'adaptation d'Oz, le rapprochement peut même être symbolique. L'œuvre de Baum fait partie du domaine public et peut donc être exploitée librement, tandis que les droits du film de 1939 sont toujours en vigueur et incluent les stéréotypes comme la route de briques jaunes, les souliers rouges et la couleur verte de la méchante sorcière de l'Ouest. Disney a longtemps gardé le silence sur son projet d'adaptation d'Oz pour dépasser et précéder la concurrence. Ils ont d'autre part habilement déjoué les droits détenus par Warner Bros. En utilisant par exemple une autre nuance de vert pour le fameux teint en fait de la méchante sorcière, et également une autre couleur jaune pour la route de briques jaunes. Et comme il s'agit d'un prequel, Dorothy n'intervient même pas, et le problème est ainsi assez vite réglé. De plus, il n'est pas étonnant que le magicien d'Oz de Disney n'ait pas identifié à l'illusionniste de MGM, à savoir Dante, mais à son rival, Harry Houdini. Simple hasard ou clin d'œil d'un géant à l'autre, l'identification du magicien de Disney est très précise. Néanmoins, ce dernier utilise par contre la formule typique de Dante, devenue stéréotype depuis, à savoir simsalabim. À plusieurs reprises, il va donc la prononcer tout au long du film. Il faut savoir que Dante était quand même le premier magicien à introduire cette formule. Elle était tirée d'une chanson pour enfants danoise et ne voulait en fait rien dire. Par la suite, elle est devenue la signature de Dante qui l'utilisait lors de ses représentations pour remercier son public qui l'applaudissait. Avec sa nouvelle adaptation, Disney ne déjoue pas seulement les droits d'adaptation de son rival, mais rend également hommage aux grands illusionnistes de l'âge d'or de la magie américaine en reprenant leurs signatures et caractéristiques. Dans Oz the Great and Powerful, Oscar the Roster Frederick Isaac Norman Henkel Ambrose Dix, mieux connu en tant que Grand Oz, déclame au début du film qu'il veut être Harry Houdini et Thomas Edison à la fois. Il ne veut pas être grand, mais il veut être grand. L'acteur James Franco, avec ses cheveux ondulés et portant un costume identique à celui qu'Houdini avait l'habitude de revêtir pour ses spectacles, n'est donc pas sans rappeler le successeur de Keller. Il faut également rajouter que cette dernière adaptation signée Disney insiste sur les origines du magicien qui a fait ses débuts dans un cirque errant tenu par les frères Baum, hommage à l'auteur américain, au créateur d'Oz. Keller et Houdini ont tous les deux également parcouru le monde pour montrer leurs numéros spectaculaires lors de leurs nombreux voyages. Et finalement, un dernier clin d'œil au grand Houdini fait partie du décor de la caravane de Star. Accroché au mur, le spectateur averti peut identifier deux affiches de théâtre reprenant le programme des spectacles donnés par Houdini. L'adaptation de Disney se verrait-elle en tant que continuation de l'œuvre de Baum, tout comme Houdini était perçu en tant que successeur et disciple de Keller? À réflexion par élogie, car la maison de production a annoncé poursuivre l'exploitation de l'héritage de Baum. D'autre part, reprenant la tradition des vieux films classiques, le long métrage commence par le générique. Le nom des acteurs surgit au milieu de la scène d'un théâtre de papier et est entouré par les attributs emblématiques des personnages qu'ils interprètent dans le film. Après cette première scène, le décor du théâtre miniature change pour reprendre différentes illusions du cinéma et de la magie, en alternance avec des images caractéristiques du monde d'Oz. L'idée de la mise en scène théâtrale, le métier de l'illusionniste et les topoïs du cinéma et de la magie scénique sont donc dès le départ ancrés dans l'exploitation du monde d'Oz. Et on a donc toujours cette idée du spectacle, du cirque, de l'illusion, du cinéma, du théâtre, de la magie. Donc en quelque sorte, c'est vraiment comme un hommage à toute cette branche. Et après, on retrouve les tourbillons que nous connaissons tous avec les différentes illusions, les images qui paraissent bouger mais qui ne bougent pas. Donc je crois que là, vraiment, la référence, elle est assez claire. Voilà, donc on entre dans la tornade, dans la boule de cristal de la sorcière, et on est donc à Oz. Pour conclure, nous pouvons donc retenir que le magicien d'Oz est loin d'être un personnage ordinaire. Son polymorphisme et sa flexibilité semblent le prédestiner à la réexploitation et la réécriture. En fin de compte, le magicien est-il bon ou méchant? Disons qu'il est humain. Certaines de ses actions sont fortement contestables, notamment si l'on pense aux rôles qui lui sont attribués par les réécritures actuelles de Nowhere ou de Clairvaux. Néanmoins, si nous remontons à ses origines, nous voyons bien que l'illusion et la magie, telles qu'elles existent dans notre monde, sont ancrées et personnifiées dans le monde imaginaire. Ainsi, le passage de la réalité à la fiction devient plus abordable et la proximité permet en quelque sorte de réenchanter le monde de tous les jours. Le magicien devient un représentant du spectacle, du cinéma, du cirque, du théâtre, de la magie, tels que nous les connaissons et exploitons. Ils ont bien nous mentir, mais le temps du spectacle, nous aimons croire à l'illusion et nous acceptons volontiers d'être trompés pour revenir au monde réel, après la tombée du rideau, les yeux brillants et ravis de l'histoire qui vient nous être racontée. La fiction nous permet à nous tous de retourner dans l'enfance, à l'ère où nous croyons encore au Père Noël. Et donc pourquoi en fait ne pas croire au magicien? Merci.